je rappe. Pourquoi mes textes sont remplis de sens? Vis on danse avec un pied, avec éloquence pour ma zone. Car ils ont gâté la couche d'ozone. Vas-y mec, laisse-moi tirer sur ton putain drone. Que je fume, car ma plume se situe jamais entre le marteau et l'enclume. Et sur le beat, tu m'oses vite pour des thunes. L'écume aux lèvres, tellement colère que j'en bave. Brave, ceux qui s'en sortent et moi avec ma voix grave. Je me goume avec les mots pour que l'état fasse pas un zoom zoom. Pour qu'on mon fils les blamane. Sur le beat, plus de tam tam. Pour guérir tes mois, guérir grâce au moi. Guérir au fléau, atterrir en VO. Je rappe pour ceux qui m'écoutent. Pour ceux qu'on plane et qu'on shoot. Sur un beat lourd en débutant des mots, rythmo. Sans aucun doute, c'est bien warm. Le ravisseur d'instrumental, la flamme du macadam, comprends alors. Mec, tant faut que je m'impose dans ce biz. Je veux ma part comme les autres, croquer le gâteau avec la cerise. Le feu m'attise, m'attise, c'est le feu. C'est tout ce que je vois, ce que j'entends, des coups de feu. Sans cesse, envie de fuir la tête. Les messes passent, entre autres, les actes de bassesse. Faut que je calte, laissant l'odeur du mal sur l'asphalte, les bris de verre, les hâtes, les mains en l'air. C'est ma rue dans le nord, ma façon d'éviter des paroles en l'air, dénoncer les roulures. Les branleurs dès lors avoir fière allure. Parler de ce qui nous rallie, de ce qui nous salit, ce qui nous désole. Mes alizés et ceux que sur les terres d'asile on isole. Au poil avec ce que je pense, sur quoi je pisse. Ma façon à moi de tenir en liesse. Faire fructifier les liasses dans le tiroir caisse. Une grosse caisse, des groupes ne crissent. Sous la poubelle basse, les gosses s'ébissent. Les lyrics qu'on misère et justice. Parce que sur le parvis j'ai entamé bon nombre d'entreprises, grillé mon blaze. Résultat m'apercevoir, très peu me plaise. Dans le bise, on me présente un os dans le zen. Comme un bambou là, c'est ma carte de visite qui s'égosille. Tout ce que le bambou là. Yo, si je rappe, c'est pour kiffer le reste, on verra. Mes textes, c'est ma vie, mes complexes, c'est fâche, t'as le coup dans tout ça. Vends-moi, fuck que l'adversité, la haine, on vient tous d'en bas. On fait partie de ces cas, en statistique, on compte pas. Si je rappe, c'est pour kiffer le reste, on verra. Mes textes, c'est ma vie, mes complexes, c'est fâche, t'as le coup dans tout ça. C'est pour les jeunes en général, toute classe, on fout du four, t'écoute ça. On baissera pas les bras, c'est le froid. Moi, c'est le rappeur Tricard, celui qui fait de l'ombre aux stars. Le baromètre des trottoirs qu'on achète pas à coups de dollars. Rap imposant, rap sanglant, rap violent. J'ai pas attrapé ce virus, y'a juste un an. Ici, on meurt enfant. J'ai pas le temps, donc je nique les beats violents avec adresse, talent. Le hip hop, ma folie, le graffiti pour la vie, ainsi soit-il. Blessé, que mon blaze soit béni. Squat, prophétie, sombre poésie. Mélancolie, on écrit pour pas qu'on nous oublie. Qu'on finisse dans l'ennui, donc on se ressaisit. J'évite la tôle et les saisies, hein. Puis j'atterris sur la team plage qui se fit. Je suis qui fait ta yuffie, hein. Pose ton fusil, une minute réfléchie. Cosmic reality, j'illumine la galaxie. Non, metal slavery. Enfin, d'où j'ai. D'acide sur terre indigeste, mais qui peut taire l'indigène, dont l'indigène sans que ça dégénère. On se fait générateur d'une intox soutenue, dit poète maudit. Faut-il qu'on crève pour être reconnu, mais maudit simule des larmes pour hommes lésés. Car mes estimés, je rappe ta sentence, l'adversité dénonce, les non-cités dénoncent. Acide, nouvelle pollution sonore, bandit d'incendie reconnu pour sa droiture. Fracture les handis, déconditionnés, comme audition ignorée. Si je rappe, c'est pour kiffer le reste, on verra. Mes textes, c'est ma vie, mes complexes, c'est fâche, t'as le coup dans tout ça. Vends-moi, je crois que l'adversité, la haine, on vient tous d'en bas. On fait partie de ces cas, en statistique, on compte pas. Si je rappe, c'est pour kiffer le reste, on verra. Mes textes, c'est ma vie, mes complexes, c'est fâche, t'as le coup dans tout ça. C'est pour les jeunes en général, toute classe, on fout du fort, t'écoutes ça. On baissera pas les bras pour cette fois. Je rappe pas pour les liasses, c'est pour les RDC que je plégis. Avec rythme Arco, Moko alias, LDR et Vigilias. Ce texte que j'ai écrit reste figé. Sur ma vie, mon rien faire, mon enfer que je vis en deux voitures cramées. L'ennui, ma vie, que des dévirés. Le genre de situation qu'on passe à un patron qui dirait que t'es viré. Moi je rappe, pour mes petits peu, je tarde d'espoir. Et des tours du ZZQ, je dis guitare. Rôde le soir et on l'esprit fait tard. Critique ces bâtards qui laissent des seringues à porter ma des gosses. Blesse des gens, crée des bosses. Casse des caisses, l'air et on joue ces beaux caca boss. Des rimes pour satisfaire les frais de son entourage. Yo, si je rappe, c'est pour kiffer le reste, on verra. Mes textes, c'est ma vie, mes complexes, c'est pas que t'as le coup dans tout ça. Vends-moi, je crois que l'adversité, la haine, on vient tous d'en bas. On fait partie de ces gars, en statistique, on compte pas. Si je rappe,